22h03 et quelques secondes à la pendule de Radio Béton. On est toujours dans le retour de l'émission en live et en direct. Donc là, en temps normal, on sera à la moitié de l'émission. Là, on est plutôt près des trois quarts, parce qu'on a commencé à 20h exceptionnellement ce soir, parce que on est de retour dans le studio pour la dernière de la saison 2020-2021. On va s'écouter une dernière doublette de la diff classique qui était prévue initialement pour la semaine dernière, mais suite à un problème de diff, du coup, on se la retape cette semaine. Mais pour vous, c'est la première fois. Enfin bref, une doublette, ma foi, fort intéressante, puisque après la doublette sud-américaine, on passe maintenant à une doublette africaine. Presque. Enfin voilà, c'est... Oh, si. Nishayar, tout d'abord. Donc là, on est pur dans ce qu'on appelle géographiquement l'Afrique noire. Formation éthiopienne qui nous fait du métal atmosphérique et qui va piocher dans le post-rock. Même dans le black, dans le post-metal, enfin, c'est une musique ultra riche. La formation a vu le jour en 2016, ils sortent déjà leur cinquième album studio. Enfin voilà, c'est... J'ai découvert le groupe sur les réseaux sociaux complètement par hasard, on s'est dit putain, formation éthiopienne qui nous propose ça, faut absolument qu'on se penche dessus. On n'a vraiment pas été déçus. Le nouvel album s'intitule Naaksar, on va d'ailleurs s'écouter le titre de l'album. Et ensuite, nous avons Eastwood. Eastwood... Ah ouais, non, pardon, j'ai confondu avec un autre truc qu'on a dit. Alors, pas du tout, doublette africaine, pardon. Donc, Nishayar, qui vient d'Éthiopie. Et je confonds, je croyais qu'on avait encore le groupe égyptien. Donc, Eastwood, pardon, qui nous vient de notre vieille Europe, plus précisément d'Allemagne. On est sur du grind avec un petit peu de death dedans. Et même un petit peu de France dedans, puisqu'on a le batteur du groupe de grindcore Warfuck qui martyrise son kit dans Eastwood. Bientôt 10 ans d'existence pour Eastwood. Voilà, après une flopée de démos et splits, on arrive là au premier album longue durée, toute proportion gardée, hein, parce qu'on est seulement sur 19 minutes pour 17 titres, c'est exactement ce qu'on attend dans du grind. Voilà, on va s'écouter une doublette dans la doublette pour Eastwood. 90 Minutes 8 s'enchaînait à Schulenrausch. L'album Antibiose est déjà dispo. Nishayar enchaîné à Eastwood, c'est parti. Voilà, c'est complètement ce qu'on attend en termes de grindcore que nous propose Eastwood. 22h13 à la pendule de Radio Béton, ça fait bientôt 2h15 que nous sommes en direct, hein. C'était pas arrivé depuis le 25 octobre 2020. On est super content d'avoir pu passer tout ce temps ensemble. Alors pour rappel, on n'ira pas jusqu'à 23h, ce qu'on a commencé à 20h ce soir exceptionnellement. C'est la dernière de la saison 2020-21. On se retrouvera tout début septembre. Et on prend la dernière fois la parole pour quelques minutes pour faire un récapitulatif de ces 7 derniers mois où on a été présent comme on ne l'a jamais autant été ces 10 dernières années. Il y a eu un souci technique la semaine dernière et puis il y a une paire de semaines on n'a pas eu le créneau parce qu'il y avait des diffs live qui étaient faites depuis la guinguette. Mais l'ami Thibaut avec son esprit scientifique veut des preuves, veut des faits et nous avons des chiffres. Mais je t'écoute. Voilà, Hellmonger, c'est 20 focus, en incluant ceux de ce soir, depuis le mois de janvier. Donc les focus, comme tu disais tout à l'heure, pour rappeler rapidement ce que c'est. Oui, du coup, c'est chroniques. Ces petites chroniques que je fais donc à peu près toutes les 3 semaines dans l'émission. Et le but, c'est vraiment de revenir sur une sortie qui m'a marqué, dans un sens ou dans l'autre. Donc, majoritairement, ça a quand même été des coups de cœur, mais il y a eu quelques focus sur des groupes qui m'ont surpris plutôt négativement sur la saison. Après, là, majoritairement, on a quand même eu plus des bonnes surprises que des mauvaises. Donc voilà, les focus, c'est entre 3 et 5 minutes de présentation orale par groupe. C'est un brossage de la discographie du groupe, de la carrière du groupe, pour en arriver à la sortie que l'on vous diffuse. Donc voilà, un énorme travail de recherche, d'immersion musicale, des heures carrées passées avec le casque sur les oreilles. Quand il s'agit d'un groupe tel que Sodom, par exemple, j'ai vraiment hâte qu'on fasse un focus sur Saxon et leur je ne sais plus combien, 20 albums studio. Enfin, j'ai vraiment hâte. Qu'est-ce qu'on a diffusé en quantité de groupes depuis le mois de janvier? On est à 151 groupes différents. Alors c'est un tout petit peu moins que les années précédentes parce qu'il y a l'intégration des focus qui prennent un petit peu de temps d'émission, mais ce qui nous permet de creuser un peu, au contraire, la diffusion musicale qu'on vous propose et pas juste faire de l'enchaînement présentation musique. On a cassé le rythme qu'on avait depuis quelques années avec ces doublettes. Et donc voilà, c'est 151 groupes différents depuis le mois de janvier. Et là où on respecte le souhait de Radio Béton et c'est parce que ça nous tient à cœur et parce qu'on trouve de la qualité en France, c'est que sur 151 groupes diffusés, on en a 43 qui viennent de l'Hexagone. Et ces groupes-là, on peut les mettre en lumière quand on propose l'aspect français, tout simplement. C'est entre 30 et 40 minutes d'émission, où c'est que des groupes venus des 5 angles de la France. Et du coup, tu voudrais que pour l'année prochaine, on fasse carrément un brossage sur la quantité de groupes de black metal qu'on diffuse. Ouais, je trouverais ça intéressant, parce que... Et peut-être la proportion même black metal dans l'aspect française, qui serait intéressant de voir la proportion... dans la qualité qu'on peut avoir dans la production française en termes de black metal, parce que je pense que c'est assez impressionnant, et même sur la globalité, de voir tout ce qu'on... Je vois, avec Sylvain, on est obligé de bosser sur un fichier à part pour le black metal spécifiquement, pour choisir, parce qu'il y a pour trier tellement il y en a, parce que c'est vrai que la scène black française à grande échelle, c'est pas forcément celle qui est la plus connue et reconnue, mais je peux vous assurer que dans l'underground, c'est une des scènes les plus riches du monde. Voilà, notre belle scène black metal Cocorico. Voilà, donc, alors c'est un petit bilan pour vous, ça veut pas dire grand chose. Pour nous, c'est des heures et des heures, particulièrement pour Sylvain, de travail et de passion abattue. Et donc, effectivement, on a vraiment cette rigueur qu'on a pu avoir avec les confinements et couvre-feu. Voilà, c'est vrai que le fait d'enregistrer l'émission par chez nous, alors c'était toujours très très chiant de fonctionner, parce que on se voyait pas, on discutait pas en direct. Mais voilà, on a quand même relevé le défi, on va dire. Puis c'est pour ça que c'est vraiment d'autant plus le plaisir de se retrouver en vivant et en direct ce soir. On parlait tout à l'heure, il n'y aurait pas de silence radio cet été, le dimanche soir, sur le créneau d'Hellbanger, puisque Sylvain principalement et nous deux ensuite, on va travailler sur une programmation best-of qui sera tout simplement prise dans les focus qu'on a pu vous proposer, et les spotlights. Les spotlights, c'est un focus version léger, c'est un petit texte sur Facebook qui va présenter une sortie, donc il y en a un, deux par semaine, pour présenter des sorties qui là complètement nous ont marqué dans le sens positif, avec un lien pour acheter l'album, l'écouter en stream, etc. Donc voilà, pour les trois dimanches qui nous restent au mois de juillet, la sélection best-of regroupera la période de janvier à mars, soit une vingtaine de groupes, hein. Alors je sais pas, on peut en piocher quelques-uns. Qu'est-ce qu'on a eu dans les très grosses et belles sorties? On a eu Celestial Swarm, je sais pas si tu te rappelles de ce groupe de proto-black slam français. Crystal Viper, pour moi un des tout meilleurs albums de heavy, presque revival mais actuel. Ah, Crystal qui s'est encore une fois surpassé, qui avait peut-être eu un petit peu de moule à ses derniers albums, et là qui est revenu... pour moi, qui est vraiment revenu sur cette nouvelle sortie incroyable, quoi. Dans le gros dégueulasse, on avait les Polonais de Eight Forest. Ouais, ça c'est chouette aussi. Toujours dans le black, on avait Ferritarium. Ouais, j'ai hâte de réécouter pour pouvoir préparer l'émission, du coup, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas entendu, celui-là. Dans les grosses découvertes d'il y a un an à peu près, très très bonne sortie, on a le dernier album de Portrayal of Guilt. Les Texans qui nous font du hardcore blackisant ultra cool. On a bien sûr les pointures, les vétérans de Asphyx, Last Day of Humanity. Les Français Ladlo, des Champs de Nil. Ouais, qui a signé pour cet album-là sur les Acteurs de l'Ombre. Voilà, et puis l'OVNI musical Tribulation, ce groupe de heavy goth des 6 ans, vraiment super cool. Enfin voilà, la sélection est encore plus riche. Et donc voilà, c'est ce que vous retrouverez dans la sélection du mois de juillet. Et pour le mois d'août, ce sera la même chose, mais sur la deuxième partie de l'année, entre avril et fin juin. Voilà, donc après c'est des émissions qui tourneront en boucle, hein, la même émission que vous retrouverez sur les dimanches de chaque mois. Voilà, ce qui nous permet de faire une vraie coupure et de nous retrouver ensuite avec grand plaisir dès septembre, et on espère de nouveau en direct. On retourne à la musique, allez, on continue encore un petit peu les prolongations avec tout simplement des groupes qu'on vous a diffusés plus tôt dans l'émission. Là, ça nous permet de rattraper l'émission qui a sauté la semaine dernière, avec donc de nouveau un titre de At The Gates, extrait de leur album The Nightmare of Being, qui signe à la fois l'album le plus innovant pour At The Gates et à la fois le plus frontal de ces 10 dernières années. On s'écoutera le titre The Paradox, et ensuite une autre présentation de Halloween, qui sort son album éponyme à 3 vocalistes, une sortie Nuclear Blast, Rise Without Chains. C'est parti, At The Gates, Halloween. We'll be right back.

Voilà, 22h30 à la pendule de Radio Béton. On arrive donc dans les toutes dernières minutes de l'émission El Mangueur de ce soir. Pour rappel, on n'est pas arrivé à 21h pour finir à 23. On est arrivé à 20h pour finir dans quelques minutes. Finalement, on va pas se repasser des groupes qu'on vous a passés un peu plus tôt. On va juste complètement se faire plaisir pour clôturer la dernière émission de la saison 2021. On va se faire plaisir avec une sortie qui nous a bien marqué sur cette saison. On a choisi un peu à la va-vite, mais on est tombés tous d'accord assez rapidement dessus. Necrosadist, ça a été une des toutes meilleures sorties en termes de Brutal Death, Slamming Brutal Death, Death Grind. Ça nous vient de Tampa en Floride, c'est clairement le berceau du Death, du Brutal Death, qui groove de ouf. Le précédent album, on l'avait diffusé, il nous avait déjà bien marqué, c'était le premier effort longue durée, hein, Hideous Revelation. Le chant particulièrement nous avait bien marqué, et puis la batterie, une moissonneuse batteuse qui faisait un dégât pas possible. Là, ils ont encore franchi un niveau en termes de débilité. De Hideous Revelation, on est passé à Dead As Pussy en termes de titre d'album. L'artwork est absolument dégueulasse, enfin c'est... J'ai presque envie de dire, c'est complètement ce qu'on attend en fait. Voilà, c'est une espèce de. Ouais, je sais pas trop, tripaille, boyau. Enfin voilà, il y a de la bidoche sanguinolente. C'est écrit avec le logiciel Paint. Et enfin, c'est parfait. Ouais, non mais carrément. Et puis le Necrosadist, il manque juste le Sani Broyeur dessiné dessus pour représenter le chant. Et puis on est parfait, quoi. C'est... Voilà, donc on l'avait, je me rappelle, on avait diffusé, là on vient de remonter les playlists, on l'avait diffusé, enfin il y a 9 titres, on a diffusé 4, enfin voilà, l'album nous avait vraiment marqué à sa sortie, donc on va s'envoyer de nouveau un titre de Necrosadist, parce que ça nous fait bien plaisir, Nothing Left to Investigate, Necrosadist, ça va être l'avant-dernier titre pour ce soir, bonne écoute. Voilà, 22h35 à la pendule de Radio Béton, on va se quitter avec un tout dernier extrait. Un extrait pour me nous faire plaisir, parce que demain, voilà, je souffle ma 33e bougie. Et un jour, on se fera une émission spécialement consacrée à Philippe Howard Anselmo. Ça aurait été beaucoup trop facile de vous passer à un Pantera post-90. Du coup, on va s'écouter un titre de Pantera pré-90. Oui, oui, oui, vous avez bien entendu. On va s'écouter un extrait du premier album où Anselmo pose sa voix. Nous voici arrivés en 1980... Ah bah, 1988, bah dis donc, l'année de ma naissance. C'est beau, ça. Avec le sous-estimé et cependant cultissime Power Metal, qui, on l'oublie trop souvent, donnera son nom au style, le power metal américain, en opposition au power metal européen. Peux-tu nous parler d'ailleurs du power metal européen ? Non. C'est dommage. Power metal européen, vous savez, c'est le power metal où on a une épée, un dragon et une princesse. Et après, on fait un peu le bazar avec. Et c'est des groupes tels que Hammerfall, c'est des groupes tels que Blind Guardian, etc., etc. Et aux États-Unis, le power metal, initialement, c'est ce que nous propose Pantera. Cette espèce de crossover entre le thrash et le hardcore, qui aura été très fortement exploité par la suite par des groupes tels que Machine Head ou Lamb of God, mais pour à peine arriver à l'ombre de la cheville de ce que peut proposer Pantera. Et en 1988, Pantera, c'est encore du glamouze, et bah, du glamouze vachement bien fait, il n'y a absolument rien qui va, les coupes de cheveux, les pochettes d'albums, c'est parfait. Et donc en 1988, ils sortent Power Metal. On va se quitter avec le titre de cet album, et vous allez voir, Anselmo monte déjà de ouf dans les aigus. Vinnie Paul a une frappe absolument incroyable, et on sent que Dim Bagdarel se fait chier avec sa guitare. Allez, excellente fin de soirée à toutes et à tous, bonne fin d'écoute. On se retrouve en direct au mois de septembre, et n'oubliez pas, les créneaux du dimanche soir, en rediff tout au long de l'été. Ciao, ciao.